22-27, observation, verbe conjugué avec être au temps composé. Remarquez l'auxiliaire être et puis le participe passé du verbe. Robert et Mireille sont partis du Luxembourg. Ils sont passés devant l'Institut. Et ils sont arrivés à la closerie. Robert est allé téléphoner. Il est descendu au sous-sol. Il est entré dans la cabine. Et il est remonté pour acheter un jeton. Il est redescendu. Il est revenu dans la cabine. Il est tombé d'un balcon. Il est resté longtemps à l'hôpital. Il est né. Il est mort. Les verbes ci-dessus sont conjugués au temps composé avec l'auxiliaire « être ». Pour les esprits curieux, notez que tous ces verbes sont des verbes intransitifs. Ils sont utilisés sans objet direct. Tous ces verbes indiquent un mouvement, un passage, aller et partir, évidemment, mais aussi naître et mourir, passage de l'existence à la non-existence. Ou ils indiquent une absence de passage, comme rester. En plus des verbes réfléchis, qui sont tous conjugués avec être, il y a une quinzaine de ces verbes intransitifs qui sont conjugués avec être. Tous les autres verbes sont conjugués avec avoir.